dans cette spirale infernale. Et tous les jours, moi j'ai la même phrase. J'ai rien à faire là, entre la vague sur la réserve et le portefeuille vide, apprendre à laisser s'échapper ses rêves. Faire le deuil vite, on est seul, on meurt seul. J'sais pas qui a dit ça, mais lui et nous on devait avoir la même vie. Autrement dit ça, y'aura pas de départ, pas de débat. Pour nous rien que débat. Alors j'ai transformé la basse en une vague de balles. Écoute la frappe et de la sorte. Pour les frères et sœurs qui rentrent, sortent. Les galériens de la zone, y'aura ni départ ni arrivée. Stoppez vos balivernes, ici sans tes gants ton cache-nez. Tu passerais pas l'hiver. La vie rude quand elle est sans but. Tu connais la fin dans ces vieilles rues. Quand un soldat ne se défend plus. Longue est la route avant l'arrivée. Sachant que j'ai pas pris le départ. Là, dans un corps de pur sang, poussant des cris de guépard. Le sang par le sang, la rage par la rage. Donne-moi le pourcentage de jeunes qui ne se mettent pas la race à la race. On vit comme des chiens, que les bars sans rose. Mec, on voit la vie en gris, on ne la connaît pas en rose. Rose, laisse aller vu que c'est simple. Mais ne dis pas baiser la life si d'elle tu n'as vu que c'est simple. Grosse chatte à la justice, j'entends le bruit de ses talons. Quand la moitié de l'équipe est au ballon, le reste mes talons. On rendra pas le départ de la course avec un pied de pichine frontale. En calèche arrêté de bitch et d'une bouteille de Fanta. Paraît qu'on a raté les tests, que le départ était faux. À l'arrivée je leur casse les fesses, ça peut réparer mes fautes. Bousier, ouais ouais ma frère bousier. On ira même fouiller dans le fion du loup, voir si le bousier. Rien à battre, je suis celui qui aboie là dans ton appart. Caresse-moi dans le sens du poil, je donnerai pas la patte. Pirate je le suis, je le reste même sans Sony. De toute façon ce serait bien trop violent pour l'emploi du phony. Attends, moi non j'ai plus l'âme d'attendre quoi que ce soit. Tant que la prod voit ma bite, je lutte entre l'accessoire. Ma rime c'est de la magie, transforme le ch'ti en latin. Parce que j'aime les femmes agiles, transforme les chemises en catin. Ils étranglent nos mères quand ils écoutent le deal. Et rien ne sert de porter plainte, c'est l'avocat qui te le dit. Voilà pourquoi ma haine n'est pas gratuite. Et même la plus hardcore des insultes pourrait pas la traduire. Alors quoi, faut-il le laisser jouer, faire les gros durs et le pisser jusqu'à chez lui pour lui faire sauter les rotules. Ni départ ni arrivé ma couille, vas-y dépasse-les. Moi je suis sûr me prendre la coupe avec tes bracelets. Ouais on passera le drapeau à Dami avec voilà l'état. On puisse pas gagner, c'est ballot mais on fera pas les tasses.